Dieu dit que la lumière soit. Un certain soleil sortit de Dieu. Quel est ce soleil qui n'a pas été éclairé? Viens éclairer toute mon âme. soleil qui sortit des dieux et qui apporta la vie à Jésus-Christ. De toi la lumière éternelle des hommes, la colonne de feu. Soleil qui sortit des dieux, viens éclairer toute mon âme. Oh, toi soleil qui sortit des dieux, viens éclairer toute mon âme. Yeah.